Les Diaboliques. Livre audio gratuit, un recueil de 6 nouvelles, de Jules Barbet d'Aurevilly. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.common. Première préface aux Diaboliques. À qui dédie cela? Jean-Baptiste d'Aurevilly. Voici, sauf modification ultérieure, la préface de mes Diaboliques. Pourquoi les Diaboliques? Est-ce pour les histoires qui sont ici? Ou pour les femmes de ces histoires? Qui sait? Les histoires sont vraies, rien d'inventé. Tout vu, tout touché du coude ou du doigt. Il y aura certainement des têtes vives, montées par ce titre de diabolique, qui ne les trouveront pas aussi diaboliques qu'elles ont l'air de s'en vanter. Elles s'attendaient à des inventions, à des complications, à des recherches, à des raffinements, à tout le tremblement du mélodrame moderne, qui se fourre partout, même dans le roman. Quelque chose comme les mémoires du diable, qui n'ont donné à leur auteur qu'une peine du diable. Mais les diaboliques ne sont point des diableries, ce sont des diaboliques, des histoires réelles de ce temps civilisé et si divin que, quand on s'avise de les écrire, il semble que ce soit le diable qui ait dicté. Le diable est comme Dieu, le manichéisme qui est la souche de toutes les grandes hérésies du Moyen-Âge. Le manichéisme n'est pas si bête. Malebranche disait que Dieu se reconnaissait à l'emploi des moyens les plus. Le diable aussi. Quant aux femmes de ces histoires, pourquoi ne seraient-elles pas les diaboliques? N'ont-elles pas assez de diabolisme en leur personne pour mériter ce doux nom-là? Diabolique, il n'y en a pas une seule ici qui ne le soit à quelque degré. Il n'y en a pas une seule à qui on puisse dire le mot de « mon ange » sans exagérer. Comme le diable qui était un ange aussi, mais qui a culbuté, si elles sont des anges sans corps, c'est la tête en bas, le reste en haut. Pas une ici qui soit pure, vertueuse, innocente, monstre même à part, elle présente un effectif de bons sentiments et de moralité bien peu considérable. Elle pourrait donc s'appeler diabolique, sans l'avoir volée. On a voulu faire un petit musée de ces dames, en attendant qu'on fasse le musée, encore plus petit, des dames qui leur font pendant et contrastent dans la société, car toutes choses sont doubles. L'art a deux lobes, comme le cerveau. La nature ressemble à ces femmes qui ont un œil bleu et un œil noir. Voici l'œil noir dessiné à l'encre, de la petite vertu, oh, de la plus petite qu'on ait pu trouver. On donnera peut-être l'œil bleu plus tard, si on trouve du bleu assez pur, mais y en a-t-il? En ce cas-là, après les diaboliques, viendraient les célestes. Fin de 1870, décembre, Jules Barbet d'Aurevilly. Préface de la nouvelle édition. Voici les 6 premières. Si le public y mord et les trouve à son goût, on publiera prochainement les 6 autres, car elles sont 12, comme une douzaine de pêches, ces pêcheresses. Bien entendu qu'avec leur titre de diabolique, elles n'ont pas la prétention d'être un livre de prière ou d'imitation chrétienne. Elles ont pourtant été écrites par un moraliste chrétien, mais qui se pique d'observations vraies, quoique très hardies, et qui croit, c'est sa poétique à lui, que les peintres puissants peuvent tout peindre et que leur peinture est toujours assez morale, quand elle est tragique et qu'elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. Il n'y a d'immoral que les impassibles et les ricaneurs. Or l'auteur de ceux-ci, qui croit au diable et à ses influences dans le monde, n'en rit pas, et il ne les raconte aux âmes pures que pour les épouvanter. Quand on aura lu ces diaboliques, je ne crois pas qu'il y ait personne en disposition de les recommencer en fait, et toute la moralité d'un livre est là. Cela dit, pour l'honneur de la chose, une autre question. Pourquoi l'auteur a-t-il donné à ces petites tragédies de plein pied ce nom bien sonore, peut-être trop, de diabolique? Est-ce pour les histoires elles-mêmes qui sont ici, ou pour les femmes de ces histoires? Ces histoires sont malheureusement vraies, rien n'en a été inventé. On n'en a pas nommé les personnages, voilà tout. On les a masqués et on a démarqué leur linge. L'alphabet m'appartient, disait Casanova, quand on lui reprochait de ne pas porter son nom. L'alphabet des romanciers, c'est la vie de tous ceux qui eurent des passions et des aventures. Et il ne s'agit que de combiner, avec la discrétion d'un art profond, les lettres de cet alphabet-là. D'ailleurs, malgré le vif de ces histoires, à précaution nécessaire, il y aura certainement des têtes vives, montées par ce titre de diabolique, qui ne les trouveront pas aussi diaboliques, elles ont l'air de s'en vanter. Elles s'attendront à des inventions, à des complications, à des recherches, à des raffinements, à tout le tremblement du mélodrame moderne, qui se fourre partout, même dans le roman. Elles se tromperont, ces âmes charmantes. Les diaboliques ne sont pas des diableries, ce sont des diaboliques.